quand ils avaient fini la lavande, parce que les odeurs, il faut après nettoyer tous les, tous les alambics, ça se faisait après. Après, d'abord, il y avait la cour pleine de menthe. Ils apportaient. Ça, c'était joli parce que ça faisait un défilé de personnes. Pour l'histoire, les gens disaient on va faire le tour de la gare. Mais que pour les odeurs. Les odeurs, la lavande, un chevalet. C'était joli. Hein. Ouais. C'était pas goudronné, c'était rien du tout, c'était de la terre battue encore. Il y avait le chevalet. Et ça m'envoyait franchement du monde qui passait. Hein. Ah, bien sûr, non, mais c'était. Tous les gens de Barrière faisaient leur tour, on faisait le tour de gare et disaient. Ah, voilà. Ça occupait quand même pas mal de personnes. Hein. Et en plus, ça occupait des gens. C'était déjà pour distiller. Il y avait le responsable des distilleries, il y avait un verre qui amenait des produits. Il y avait, comme ils étaient dessus, ils étaient 4 ou 5 à enfourner, à la fourche, de mettre la lavande dans les alambics. Un qui faisait chauffer, qui n'arrêtait pas de chauffer, ça faisait 7-8 personnes. Nous, finalement, ça nous faisait travailler. Hein. Ah, ben même sûr, quand il y avait encore ta mère, quand nous on a repris, parce qu'il venait préparer la saison, allez, on va dire au mois de juin. C'est ce que je disais, il restait 2 mois à peu près. Après, il restait pendant qu'il travaillait, et après, au mois de septembre-octobre, il revenait mettre en état et fermer. On avait encore les gars, allez, 3 semaines à pension. Et Man envoyait toujours les mêmes à peu près. Ah, toujours les mêmes. D'ailleurs, on gardait les clés. Ta mère gardait les clés, après nous, on a continué à garder les clés.